plan d'aujourd'hui. Assemblage requis. On reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plan favori. Et l'éditorial culturel de Sébastien Dulune va voir ailleurs, j'y suis. Assemblage requis, ça commence. Tout de suite. Bonjour et bienvenue à cette 300e émission d'Assemblage requis. Cressel, pas de budget. Fausse Cressel. T'as dû downloader un son de Cressel. Ah, j'aurais pu, tu vois. Alors, ce mardi 4 octobre 2011, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Oui, 300 émissions déjà. Bonne fête. Bonne fête, François. Toi qui as passé un bon quoi, deux tiers de ça. Je sais pas exact, mais faudrait que... La moitié. Je dirais plus moitié, en effet. 300, pourquoi... Félicitations, Mathieu. Merci beaucoup. Les sessions d'été viennent nous aider avec le compte du 300. Parce exact. Que le dîner de con est sûrement à 270, mettons. Peut-être. Je sais pas. Proche du 300. Je sais pas. Et ouais. Assemblage requis, en fait, avait lieu aussi avant l'émission du retour. Oui, au retour à la maison, entre donc, 3 et 5. Avec là, toi. En fait, beaucoup d'émissions aussi. Oui. Voilà, donc plein de bons matériels qu'on vous a passé pendant ces 300 émissions-là. Et on s'en souhaite au minimum 300 autres. Hein? Oh oui. Minimum. Ouais, minimum. T'as pas l'air sûr de vouloir. Non, mais tu sais, 300, à la limite, tu peux te souhaiter, écoute, tu peux te souhaiter de fêter la retraite d'Assemblage requis. Ah, j'aime ça. C'est beaucoup plus que 300. Liberté 55, après 55 autres émissions, peut-être, non? Il te libère de tes services. Oui, c'est ça, comme merci, bel job, mais au revoir. Au revoir. Donc, aujourd'hui, à l'émission Assemblage requis, on a un bon plan pour vous. Hein? C'est pas parce qu'on a 300 de fêtes comme ça qu'on n'aura pas de contenu original aujourd'hui, puis juste du flashback. Là. Non, exact. On n'est pas dans une sitcom, là. Mais cette session-ci, l'émission Assemblage requis, vraiment très chargée. Ben, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, trouvons le plus de chroniqueurs pour avoir le moins de travail à faire possible. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ben, écoute. C'est le plus d'étudiants possible dans l'émission. On veut le plus de bonne participation de gens qui ont envie de faire ça. Exactement, la participation. En fait, on invite les étudiants aussi qui nous écoutent s'ils veulent déposer un projet, en guillemets, chronique. Ben oui. Que ce soit dans notre émission, dans l'émission de Le Dîner de Con, ou sinon, écoute, il y a peut-être d'autres émissions qui sont prêtes aussi à accueillir des chroniques. Tout à fait, tout à fait. Puis des fois, en fait, c'est beaucoup moins d'ouvrage. On veut avoir une expérience à la radio. On sait pas exactement comment s'y prendre. Bon, visitez-nous, en fait, là. Nos bureaux sont à côté du 10-12. Il y a une grosse murale, c'est fou, sur le mur. On peut pas nous rater. Ah non, on peut pas se tromper. Non. Et si vous voulez pas, si vous avez envie de prendre une émission, vous pouvez le faire aussi. Une émission d'une heure ou de deux heures. Mais c'est pas parce qu'on dit que c'est beaucoup de job que c'est nécessairement pas intéressant ou pas motivant à faire. Seul l'est motivant. Donc, déposez. Ah ouais, donc. Comme je disais, aujourd'hui à l'émission, on a plein de choses à faire. On a à 8h la chronique de Stéphanie Gagné, ton plat favori. Oui, ton plat favori qui nous présente en fait son coup de cœur. Hein? C'est quoi son coup de cœur? C'est quoi son coup de cœur? C'est quoi son coup de cœur? Une pièce de théâtre cette semaine? Peut-être. Oh, il revient à chaque fois, mais c'est jamais ça. On y lance le défi, ça marche pas du tout. Non. Ensuite, à 8h30, la chronique de Sébastien Dulude va voir ailleurs, j'y suis. Cette semaine, dans son éditorial culturel, il va parler pour et contre le slam. Des choses à dire sur le slam. Et pour vrai, ces articles de Sébastien Dulude sont ceux qui causent le plus de discussions sur le blog zonecampus.ca. Déjà, des commentaires, là, c'est moi qui les approuve, tu sais, un par un. Mais j'ai été voir. Ils sont longs, longs. Et Colin, lui, trop longs, tu les approuves pas? Non, je les approuve tous. Ben, s'ils sont sensés. Là. C'est sûr qu'il y a du spam qui dit, genre, venez acheter des médicaments illégaux au Canada. Je vais peut-être pas approuver ça. Ouais, donc, va voir ailleurs, j'y suis, pour suivre la controverse. C'est à 8h30 tout à l'heure. Entre tout ça, c'est Yannick avec les chroniques geeks de la journée et c'est un fait avec un paquet de choses bien intéressantes, dont un fait sur les chenilles et un fait sur le mot école. École. Que veut dire le mot école? Ça vient d'où? C'est ça qu'on saura tantôt. Fantastique. Sûrement dans la première heure. Merveilleux. Ouais. Sinon, peut-être d'autres affaires. Évidemment, il va y avoir le dessert délicieux de Mathieu. C'est vrai. Hein, dans le cadre de la chronique de Stéphanie Gagné. Et moi, j'aurais envie de petits céleri avec du cheese whiz. Tu vas voir, c'est très crémeux ce matin. Donc ça, c'est les crudités de François-Olivier. C'est très crémeux. J'ai tellement hâte de savoir ce que ça veut dire. Mais on commence l'émission avec Vulgaire Machin. Voici Je chante pour les sourds. Sur C'est fou 89.fm, la radio campus de Trois-Rivières. Les nerfs abîmés, j'ai un peu trop martelé dans le vide. malmené par le doute et les cordes vocales en ruine. C'est seulement tout ce qu'on prêche, on le mettait en pratique. Ma dernière abstraction, des vies toutes seules dans la brume. Quand je n'ai que l'apathie et la promesse d'en pleurer, je suis mon unique ennemi. Est-ce que c'est moi le cas? Prendre les gens pour des caves, à cerner les marques de la tristesse sur nos visages. Combien nous sommes complètement inondés d'amertume, usés par la paresse et le peu de temps qu'il nous reste. Je n'ai que la colère et la promesse d'en pleurer. Je suis mon virus et mon de cette justice entravée. La nature se déchaîne et je reste immobile, submergé. J'aimerais pouvoir brandir la paix, mais la haine est mon régime. La lumière qui s'éteint devant l'amour qui nous fait signe. Moi je n'ai que la moquerie et la promesse d'en pleurer. Je suis ma propre satire et je chante pour les sourds. Puis on a de la misère à se tiendre. On est deux dans un bateau, y'a la poche bord de l'eau. Puis on a de la misère à se tiendre. On est sourd, on est sourd. On est sous l'effet de la vague. On est sourd, on est sourd. On est sous l'effet de la vague. Bonheur Frac est sous l'effet de la vague sur leur album Votre nouveau guide spirituel dans Assemblage Requis. Avec Mathieu. J'ai pas ça, Renard Frac. Non, c'est très très bon ça, j'aime bien ça. C'est-tu ce que j'aime aussi? Vas-y donc. Enseigner des choses que je suis pas sûr que c'est tout à fait vrai, mais que j'espère parce que c'est sur Internet, on s'entend là-dessus. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, selon les internets. Hein? C'est comme les 3V du triple W, ça. Les 3V du... tu comprends ce que je veux dire? Ben le triple oui. W, c'est le World, World, World. C'est comme la World Wrestling Federation. Oh! Oh! Là, tu me gagnes, là, ce matin. Donc, commençons par quelques petits faits rapides. En 2008, savais-tu que 8000 bébés sont morts? Sont morts. Et quand ça commence très bien. Lapsus. Merci, sont Mathieu. Nés... Ouais. 8000 enfants sont nés, d'accord, ouais. De mères qui avaient 45 ans et plus aux États-Unis. 8000 bébés, ce qui est plus du double de 1997. Donc en 1997, okay. Environ 4000 bébés de mères qui avaient 45 ans et plus. Okay. 2008, 8000 bébés. Quand même, hein. Des quand cougars. Même. Des cougars. En tout cas, on dit ça. C'est Mathieu, hein? Ouais, c'est ça. Donc, psychopath, d'accord? Donc le chemin... De psycho, là, psychose. Là. Ouais. Hein? Psychopathe, ça fait comme psychopathe. T'sais. Ça, c'est à Traverse City au Michigan. Et Divorce Court, la cour du divorce dans Heather Islands, en Pennsylvanie, ont été déclarés les noms de villes les plus fous dans un sondage en ligne en 2006. Psychopathe comme un psychopathe, puis Divorce Court. C'est bien. C'est pas. C'est bien. En 1955, le 3 octobre, c'était une grande journée pour la télévision pour enfants. C'était le début du Mickey Mouse Club. Tu sais, Mickey Mouse Club, il y avait plein de genre, c'était qui ça? Justin Timberlake qui était là-dedans, c'était qui d'autre? C'était-tu Britney Spears, quelque chose du genre? Plein de jeunes vedettes dans ce temps-là, dans le Mickey Mouse Club. C'est là qu'ils ont commencé leur carrière. Oh. Ouais. Savais-tu que les chenilles... Les chenilles? Les chenilles, c'est dit ici, « Do not have sex », ne font pas l'amour. Jamais? Jamais l'amour. Les chenilles. On les plaint? Oui, les gens mariés aussi. Non, les chenilles. Ensuite, dans la langue Quechua, en Bolivie, le mot bébé est un onomatopée, c'est wah wah. Wah wah. Wah wah. Wah wah. Wah wah. C'est un bébé. Ah, c'est ça. Cute. Ben, c'est joli. Oh, oui, c'est cute. Wah wah. On va faire ça dans toutes les langues. Salut, mon petit wah wah. Wah wah. Le mot école vient du grec, François-Olivier. OK. Au départ, ça voulait dire temps libre. Okay. Avoir du temps libre, du temps à rien faire, c'est school. Ah. Le mot école du grec. Je sais pas si la racine française du mot école est la même chose, mais j'imagine école, school, c'est école. Ouais, ça doit avoir un lien, sûrement. Seulement 2%. Peut-être. Ou peut-être pas. Seulement 2% des femmes se décrivent comme étant belles, jolies. 2%? 2%. Beautiful. 2% de beautiful. C'est pas beaucoup, hein? Non, mais en même temps, j'aime ça parce que les filles qui se trouvent elles-mêmes belles. Pas sûr, ça. Ouais, mais c'est important aussi, tu sais, de d'avoir une estime de soi. Ouais, c'est ça, ouais. Exact. J'avoue. Mais beautiful, c'est comme c'est beautiful. Ouais, c'est ouh, ouais, c'est merveilleuse, ouais. Hein. Non, c'est pas vrai. Il y a un manège qui est fait pour tuer les gens qui embarquent. C'est vrai. C'est le. Comment? C'est le fun. Ben, c'est génial. J'ai goût de l'essayer. Mais en fait, tu pourras pas. Tu sauras pourquoi d'ici la fin, tu vois. C'est la Euthanasia Coaster, donc vraiment le manège de l'euthanasie, qui va jusqu'à 1600 pieds de hauteur, OK? Donc tu t'en vas comme ça, à 1600 pieds vers le haut. Tu montes sans cesse. Ensuite, tu descends complètement jusqu'en bas. Et ensuite, 7 boucles, boucles consécutives, là, des boucles comme dans Sonic. Donc tu vas aller à 223 000 à l'heure, François. À la force de gravitation est de 10 G pour les passagers, ce qui est assez pour tuer une personne. Okay. 10 G comme c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. Essentiellement, c'est le sang de la personne qui va s'éloigner de la tête, ce qui va couper donc l'oxygène du cerveau et ça va faire donc dans le fond que tu vas mourir. L'idée derrière ça, c'est de donner aux gens qui sont prêts de mourir ou qui veulent mourir parce qu'ils sont vraiment très malades, d'avoir un dernier blast de plaisir, genre de comment dire, d'adrénaline et de fun. Mais je sais pas, hein, si... Pas sûr d'être sûr. Non, pas sûr. Pas sûr. Vraiment pas. On dit que présentement, c'est seulement un modèle à l'échelle et qu'il n'y a aucun plan de construire ça. Donc, c'est vraiment pour l'instant à l'échelle. Mais en théorie, là, selon ceux qui se connaissent là-dedans, ça fonctionne. Ré, si ça existait. Non. Okay. C'est le manège de l'euthanasie. Eh bien. François, les athlètes qui portent du rouge ont plus de chances de gagner que les athlètes qui portent du bleu. Ouais. Ça. Commençons, en effet. Les anthropologistes, est-ce qu'on est anthropologistes ont ramassé des données des Jeux olympiques de 2004 et ils sont arrivés à des conclusions surprenantes. Dans quatre sports où les athlètes recevaient au hasard la couleur rouge ou la couleur ou d'autres couleurs. Donc, au hasard. Au hasard, les athlètes rouges gagnaient 16 sur 21 fois. Les scientifiques ne savent pas pourquoi, mais ils croient que c'est peut-être psychologique. Ils pensent que les gens qui portent le rouge... Le rouge représente le Canada, donc ah, ça donne... Mettons. Mais je sais pas, c'est peut-être plus violent, peut-être Toréador, Olé. Peut-être. Ouais, je sais pas. Psychologique. Ça me surprendrait pas que ce soit psychologique. Très effet placebo et tout. Savais-tu que tu peux survivre d'une chute en bas d'un avion sans parachute? Si t'as pas de parachute, tu tombes d'un avion, tu peux survivre. Et là, ça va être très... Hey, mais j'ai déjà vu. J'ai déjà vu à Canada. OK. Gris qui tombe dans un champ de dingue. Charles Bédin, j'avoue que ça pourrait amortir ta chute. Donc, quelqu'un a déjà survécu à une chute de 18 000 pieds sans parachute pendant la Deuxième Guerre mondiale. On dit que la meilleure façon d'éviter de mourir d'une chute à 125 000 à l'heure est de trouver quelque chose d'autre que le sol pour amortir ta chute. Ouais. C'est vraiment deux. Quand tu tombes, là, tu choisis pas vraiment où tu tombes. Là. Non, pas tant que ça. Mais ils te disent d'éloigner tes bras et tes jambes, ça va pouvoir ralentir ta chute un peu, ce qui devrait te donner assez de temps, si t'es vraiment très très haut, pour trouver une bonne place où atterrir, si t'es près d'une place où atterrir. Atterrir dans l'eau est ton meilleur, ta meilleure chance. Ça, c'est quand même logique, mais peut-être pas exactement à plat, parce que ça pourrait faire extrêmement mal. Flap. Je sais pas. Donc, atterrir dans l'eau, sinon, tu peux essayer d'atterrir sur des arbres. Mais pas sûr. Pas de branches, hein? Pas sûr. Sinon, tu pourrais atterrir sur le toit d'un véhicule récréatif, un véhicule utilitaire sport, mettons. OK. T'sais, ou d'une roulotte. Ouais, ça doit faire mal. Ça doit, hein, sur le coin, mettons, là, parce que tu contrôles pas le centimètre près. Là. En même temps, où tu choisis de tomber? Pour vrai, si tu tombes, premièrement, t'as pas choisi de tomber. Non. Deuxièmement, tu peux pas non plus... Ah, ben tiens, là, il y a un matelas. Ouais. C'est sûr que si tu tombes sur un magasin de matelas à ciel ouvert, ça pourrait être popé. Ça existe pas. Non. Sinon, ça dit sur un truck. Donc, sur, tu sais, dans le, comment t'appelles ça, le bed, là, comment t'appelles ça? Le truc. Bon. D'accord. Ensuite, tiens, si tu lis une histoire, tu lis un roman, n'importe quoi, on dit que les spoilers, donc, tu sais, les scoops et les affaires qui arrivent à la fin, tu sais, ouais. On dit, tu sais, dis-moi pas de spoiler, mettons, pour Harry Potter, je veux pas savoir que telle personne fait telle affaire, tu sais, dedans, sans aller dans les détails. Mais l'étude psychologique de UC San Diego dit que les gens qui lisaient une nouvelle avec une fin qui était dite à l'avance, donc des paragraphes de la fin qui se retrouvaient au début, avaient plus de plaisir à lire l'histoire. Pourquoi? Parce que tu peux, vu que tu connais ce qui s'en vient plus tard, tu peux, t'as pas besoin d'analyser autant la lecture, tu sais. Parce que des fois, il y a des indices laissés dans une histoire, c'est comme une technique d'écriture. Ouais, mais de là à dire plus de plaisir. Ben, c'est. Je pense que le plaisir, ouais. En fait, c'est un peu de découvrir. C'est ce que je pense aussi. Moi, je déteste les spoilers. Je déteste. Dis-moi les points, moi non plus. Là. Quand je vais sur des blogs de télé, tu sais, mettons, je suivais Big Brother, j'allais sur des blogs de télé, puis il me disait le gagnant avec sa photo, là, ou genre le perdant de la semaine. Dis-moi pas ça. Tu sais, avertis-moi, genre, pour ceux qui veulent la réponse, c'est après le saut de page sur un blog. Tu sais, c'est comme évident pour moi, mais bon. Mais les psychologues. C'est où mettre des gestes en anglais. Les psychologues quand même suggèrent qu'il y a plus de plaisir chez les gens qui savent déjà la fin parce qu'ils ont moins à penser à ce qui se passe dans l'histoire. Ils sont déjà au courant. T'sais, parce que c'est ça, mais il y a moins de monde qui lit jusqu'à la fin. probablement. Toujours au sujet du cerveau, c'est le cerveau humain va apprendre n'importe quel mot qu'il entend 160 fois ou plus pendant 14 minutes. Hein? Oui, c'est des neuroscientifiques... Mettons. Ça, j'aime ça, ces faits-là, ouais, hein? Mathieu. J'aime ça les traduire, moi aussi. Neuroscientifiques de l'Université de Cambridge ont récemment découvert que techniquement, ça prend moins de 15 minutes pour apprendre un nouveau mot si on donne assez de répétitions orales. D'accord? Donc, non seulement ça, mais t'as même pas besoin de dire toi-même le mot ou d'y penser. Juste de l'écouter de façon tout à fait passive. Ton cerveau va automatiquement former des neurones, quelque chose avec tes neurones. Quand tu vas regarder une analyse du cerveau, là, genre un scan, la place, genre, ça va prendre la même place. Ça va être pareil comme n'importe quel autre mot, si tu l'as entendu assez souvent. Genre. OK. Bizarre, hein? Ouais. Si tu le scales, en tout cas, bref. C'est donc à la fin de cette période de 14 minutes. Une tâche quand même assez difficile de retenir un mot, mais si tu le fais assez de fois, en 14 minutes, tu l'as. 160. C'est pas n'importe énorme. Quel mot. Non, c'est ça. Parce qu'il y a des mots qui sont faciles à retenir, c'est ça. Hein? Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, il y en a des plus compliqués. Ça pourrait prendre plusieurs fois. Plusieurs. Je sais pas pour retenir. Mais encore là, il faut que tu saches c'est quoi. Ben, tu sais, parce que tu peux retenir un mot, là, mais. Sa définition, c'est quoi? Faut que tu saches c'est quoi ce mot-là. Exactement. Le créateur des Doritos. On parlait hier du créateur des Pringles. Oui. Qui, que sa cendre allait être mise dans une boîte. Avait été mise dans une boîte, c'est ça, quand il est mort. Donc, bref, le créateur de Doritos va être enterré avec des Doritos. Parce qu'il a récemment. Il est encore vivant, lui? Non, il est récemment décédé. Ah. C'est Arch West, le créateur de Doritos, qui, donc, dans le fond, sa famille a décidé de lui rendre honneur en ajoutant des Doritos à ses cendres. Donc, les cendres de Arch West vont être enterrées avec les cendres de sa femme et des Doritos vont être ajoutés par-dessus. Quand même. Donc, la famille West dit qu'elle a pris l'idée de Frédéric Bauer, dont on parlait hier, l'inventeur des Pringles, qui est mort en 2008 et dont les cendres ont été enterrées dans une canne de Pringles. Ah. Miam, je sais pas quelle sorte, j'espère que c'est pas ceux au bordel d'oignon et ketchup. T'as-tu goûté à ceux du gagnant du concours? Non. Pas génial. Ça, c'était le A, le pile B. Ouais, exactement. J'aimais beaucoup mieux l'autre choix que je me rappelle pas c'était quoi. Ah, mais je sais pas. Moi, j'aimais mieux celui-là. Ah, d'accord, on peut pas toujours gagner. Je sais pas. Mais en même temps, écoute, les Doritos, je sais pas si c'est moi ou. Tout ça pareil. Goûte pas mal la même affaire. Pas mal ça. Mais c'est tout le temps genre piment éclaté, piment délirant, piment ci, piment ça. Tu sais, c'est sûr que t'as. En fait, des degrés là, de de, comment dire, piquantitude. Ouais, c'est exactement ça que je voulais dire, mais je me disais que ça se disait pas, mais bon. Ben, moi, je l'ai dit. Mais c'est ça, mais sinon, écoute, le goût en tant que tel, il varie pas tellement. La goûtité. C'est ça. Mais au jalapeno, moi, j'aime bien. Oui, les jalapeno. Mais. Ouais. J'aimais bien. Une fois dans ma vie, c'était en masse, mais les petits sacs là, qui étaient comme co-brandés, là, si je peux utiliser l'anglicisme, avec Pepsi Lime, qui disait c'est tellement chaud et piquant que vous allez devoir prendre du Pepsi Lime pour... Bon. Mais ah, c'est sûr qu'il y avait des degrés, c'était comme un degré de brûlure. Là. C'était un petit peu ça, le marketing de la chose. Là, c'était... Ça se vendait avec Pepsi? Non, mais ben, il fallait que tu l'achètes à part, évidemment, okay. Mais c'était marqué à l'arrière, genre buvez du Pepsi Lime pour... OK. Après avoir mangé ça. Mais bref, c'était premier degré de brûlure, deuxième degré, troisième degré. Et c'était le troisième degré était moins piquant que le deuxième. C'était le deuxième le pire, je trouve. Hein? Ouais, c'était vraiment bizarre. C'était pas mangeable. Sérieusement, un sac, un petit sac de collation, ouais. Genre, m'a duré le bon 3-4 jours. Bizarre. Puis y a rien là-dedans. C'était vraiment bon, mais bref, une fois par année. C'était vraiment bon. c'est comme du PFK, une fois par année. Le gruau de McDonald's, on a déjà parlé un petit peu dans C'est un fait ou dans une autre chronique, on avait fait référence à ça. J'avais dit qu'il y avait vraiment beaucoup de sucre et que c'était pire qu'un cheeseburger. J'ai retrouvé mon fait là-dessus. Le gruau de McDonald's, qui en passant est vraiment affreux sur la photo, si tu vas aller voir sur assemblagerequis.com. Je sais pas, mais ça existe ici? Je sais pas s'il y en a au Québec, mais en tout cas, s'il y en a pas, ça s'en vient sûrement bientôt. Donc, le gruau de McDonald's contient plus de sucre que de barre de chocolat Snickers et seulement 10 calories de moins que leur cheeseburger chez McDonald's. C'est vrai. Donc, au premier regard, cet article de déjeuner a l'air plus santé, surtout parce que dans la pub, ben, il te le montre comme étant, en tout cas, ça a l'air vraiment santé quand tu regardes ça. C'est comme, tu sais, une annonce de salade, une annonce de ça, c'est pareil. Bref, ce n'est pas le cas. Évidemment, ils ont réussi à, comme dit l'article, maquifier leurs... Oui, j'en doute pas. Là. ...leurs options. Donc, la crème... Hein, là, je mets des guillemets dans les airs que vous voyez pas, mais c'est des guillemets comme ça. Leur concoction, il y a une crème dedans, ce qu'ils appellent la crème, contient 7 différents ingrédients et seulement 2 de ces ingrédients-là sont vraiment des produits laitiers. Ils appellent ça de la crème, tu sais. Okay. 2/7. Cette substance crémeuse, donc, qui est ajoutée automatiquement au gruau. Et ensuite, on ajoute de la cassonade, à moins que la personne, le client, demande de ne pas mettre de cassonade. Hein. Ensuite, il y a des pommes en dés, des canneberges séchées et des raisins qui sont tous, j'imagine, aussi naturels que la crème. Hein. On s'en doute là-dessus, sur des ingrédients de conservation. Le gruau lui-même contient 7 différentes composantes et une a été étiquetée comme étant une saveur naturelle. Une sur les 7 est une saveur naturelle. Ça a l'air bon là dans la photo. Ah, là. Ouais. Ah wow, c'est vrai, tu peux pas regarder. T'as un ordinateur de ton côté, il marche mal depuis hier. Hein? Ça fonctionne pas. Est-ce que je peux juste le virer? Ah, mais je peux me lever si. Non, ça va. C'est vraiment dégueulasse. Ça a l'air d'un genre de vomi. Non, en tout cas, bref, bon déjeuner à tous. C'est vraiment le fun. Dernière petite affaire. Tu te rappelles l'excellente chanson qu'on. qui, disons, ne joue pas très, très fréquemment. C'est fou, là. Tu sais, Sweet Caroline. Sweet Caroline. Papa, non? Ouais, je sais quoi. Là, tu la connais, d'accord? Donc, l'inspiration de Sweet Caroline était la fille de John F. Kennedy, Caroline Kennedy, d'accord? Donc, quand il était jeune, Neil Diamond avait de la difficulté dans la business de la chanson, la chanson business, comme on l'appelle en anglais, la Chanson Business. Donc, il y avait de la misère, et là, il a vu une photographie de la jeune fille du président, et ça a attiré son attention. C'était une photo de la petite fille super bien habillée avec son costume de cheval sur son poney. Donc, il trouvait ça innocent et merveilleux. Immédiatement, il s'est dit, il y a une chanson à dedans. Hein? Il y a une chanson. Donc, quelques années plus tard, Diamond a enfin écrit cette chanson, en fait la mélodie dans un hôtel de Memphis. Il a écrit la musique et les paroles en moins d'une heure. Hein? Le chanteur n'avait jamais discuté de l'identité de, la jeune, de sa jeune muse jusqu'en 2007 où il a performé la chanson en direct via satellite pour le 50e anniversaire de Caroline Kennedy Schlossberg, son nom de mariage. C'était le, pourquoi je parle comme ça? C'est beau. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est l'album numéro 1 et puis c'est ça, c'est probablement la plus grande chanson de sa carrière qu'il a mis sur la map. C'est tellement, tellement bon. Est-ce qu'on va l'écouter ou? Ben, j'essayais. Là. Ah oui. Ah. Ah ouais, on l'écoutera pas au complet, par exemple. C'est pas... Que des temps, c'est la radio de shit. Excuse-moi, la radio des... C'est pas du tout selon. Where it began, I can't begin to know. Je suis déjà tanné. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring? Oui, le refrain. Ouais, c'est ça. C'est ce que je m'en ai dit. And spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est long. Bon, tanné un peu. On va parler. Aussitôt que le refrain commencera, on arrêtera de parler. Donc voilà pour la chronique. C'est un fait pour aujourd'hui. Hein. C'est quel fin. C'est bon. Bon, émouvant. C'est mauvais, écoute. Douce Caroline. Oh, je pense que c'est le refrain. Ouais, ça ouais. Sweet Caroline. Pa, pa, pa. Good times never seem so good. I need time. Pa, pa, pa. To believe that. Qui chante ça? Neil Diamond. Ah, c'est un classique, on aime ça. Ouais, fait qu'on prend une petite pause puis on revient avec d'autres choses. Neil Diamond encore. Encore des, une autre chanson, tous ses succès là, de Neil Diamond. Ouais, depuis pas longtemps que ça. Ben, qu'on connaît. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Maintenant, mais vas-y tantôt, ça, tu vas voir, ça va être bien beau. Il est sur mon ordi en ce moment. Hey. Oh, quand même, okay. C'est déjà fait. Donc, François, Olivier Marchand, qui est sur mon Mac en ce moment. Ouais, c'est ça exactement. Écoute, je m'habitue, on dirait que j'ai pas ça. Ouais, hein, ça te donne envie, hein, tu devrais en faire. J'ai pas d'argent. Mais j'ai pas d'argent non plus, c'est tu payes par mois. Ben ouais. Tu payes par mois. Non, mais faut, j'arrête ça, j'essaie. Sincèrement, dans mon budget, j'essaie d'enrayer ça parce que c'est facile aujourd'hui, ouais. En fait, d'acheter. C'est vrai. Maintenant, tu l'as tout de suite. C'est plaisant, par exemple. Oui. Des fois, t'as pas le choix. Là. Des fois, exemple, ton frigeur te lâche, t'as pas d'argent. Ça te prend un frigeur, un crime. Oui. Ça, c'est correct. T'sais. Mais c'est ça pour des trucs un des peu de luxe. Oui. Puis c'est pas parce que je l'ai pas fait. Là, non, c'est ça. T'as appris de tes erreurs. Ouais, moi, je suis encore dans la période où je fais des erreurs. Non, c'est vrai. Mais c'est une erreur pour moi, ça veut pas dire que c'est une erreur pour toi. Là. Non, mais il y a une différence entre quelqu'un qui a une maison, un enfant, une petite famille, deux voitures, etc. Nanana. Là, je parle de n'importe qui en général. Là, mettons. Dont une Tempo. Ou une Tempo, mettons, de 1982. Huit, excuse-moi. Ouais, fais attention. Je vais t'écouter en ce moment. Être le plus généraliste possible. Ouais, c'est ça. J'espère qu'elle se trouve ça à faire. Écoutez, assemblage requis dans elle-même. Mais moi, de mon côté, tu sais, en petit couple, mais tu sais, petit appartement, pas d'enfants, pas de soucis. La vie est belle. J'ai aucun. Je sors pas, je bois pas, je me drogue pas. Bon, tu te drogues pas, clin d'œil. C'est de la bouffe, c'est pas de la drogue. Non, mais le café. Café? Ah, tu considères ça comme de la drogue? Ben, il y en a. J'avoue. Il y a de la caféine, il y en a qui disent. Mais ça coûte beaucoup moins cher que de la drogue. Oh, non, c'est sûr. Je suis encore correct côté budget là-dessus. Ouais, je pense que oui. Donc, sur ce, sur mon Mac, d'accord? Oui. T'as les nouvelles du campus. Oui, exactement. Écoute, on parle des nouvelles du campus. Je vous parle d'une nouvelle qui va se dérouler dans environ 19 minutes. Hein? Là? Oui. À 8 heures? À 8 heures, bien pile, en fait, bien précis. Au Ludoplex, c'est en fait une manifestation contre la hausse des frais de scolarité. On en a parlé un peu hier. En fait, j'aimerais rappeler aux gens que ça se déroule aujourd'hui. Le départ est à 8 heures au Ludoplex. Ils vont descendre en fait au bureau de Daniel Saint-Amand, député ici. Et puis, vont d'ailleurs continuer sur la rue des Forges. Ils vont faire du bruit. Ils sont pas d'accord avec la hausse des frais de scolarité. Donc, ils vont se faire entendre. Ils vont arrêter aussi Radio-Canada aussi. Mm-hmm. Donc, voilà, en fait. Et puis, ça regroupe Cégep de Shawi, de Trois-Rivières. Victoriaville. Victo aussi. Donc, voilà, en fait, l'UQTR, bien évidemment. Donc, beaucoup de monde, espérons-le. Beaucoup de monde, exactement. Donc, pointez-vous là. Voilà. Même s'il fait pas beau, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ça. Pour se faire entendre, à un moment donné, oh, c'est pas quoi, le choix. Météo parfaite pour se faire entendre. Non, marche pas de même. Ça. Pas le choix. C'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Demain, en fait, il va y avoir une collecte de sang dans le hall du pavillon Albert Tessier. Et ça commence à 13h. C'est Aimant Québec qui est en collaboration avec le département des sciences infirmières et service de santé tiendra une collecte de sang. Donc, le 5 octobre prochain. Donc, demain. Mercredi. Ouais. Objectif 200 donneurs. Mathieu Plante, est-ce que tu iras? Tu as été l'année passée. Non, j'ai dit que j'irais. En fait, c'est mon genre. Hein, dire que je vais y aller. Ouais. Ouais. Non? L'autre année d'avant, tu y avais-tu été? Non. Ah. Je dis souvent que je vais y aller. Dans ma mémoire, j'avais comme l'impression que tu y avais été. Puis tu avais eu des biscuits. C'était pour ça que tu y avais été. ça se peut que je me trompe. T'sais. C'est convaincant. Non, il faudrait y aller en groupe pour que j'y aille. On dirait que j'ai comme pas envie d'y aller seul. Ben, je te comprends. Je te comprends un peu, en fait. S'encourager mutuellement. Oh, ouais. Ouais. Mais moi, je peux pas parce non. que je peux pas. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Non, écoute, j'y ai déjà pensé. Il faudrait peut-être. Hein, faudrait... En même temps, il faut que tu sois prêt, mais t'as pas à être prêt. Mais non, t'as pas à être prêt. C'est ça l'affaire. C'est pas comme, mettons... C'est comme une prise de sang. Oui. C'est pas comme la leucan où tu te fais raser les cheveux. Ça, je peux comprendre que ça va avoir des répercussions. Puis, tu sais, tu te sentiras pas aussi beau ou peu importe. T'sais. Mais en même temps, il y a des bonnes causes dans la vie. Puis ça, c'en est une aussi, d'aller du sang. Puis c'est tellement simple. Ça prend pas de temps. Ça sauve des vies. Des biscuits, ça sauve des vies. Ouais, c'est ça. Oui. En premier, ça sauve des vies. Ensuite, t'as des biscuits. Dans les priorités. Ben, ça dépend. Ouais, tu peux les interchanger. Ça me dérange pas. C'est comme les biscuits, tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux quand t'es manches. Ouais, exact. Puis boire le jus d'orange après ou avant. Si puis en même temps, tu te reposes. Je pense que tu restes allongé pendant une quinzaine c'est de. C'est ça, t'as pas le choix là, au cas où que tu tomberais dans les pommes. Là. Exactement. Donc voilà, en fait, ça peut être intéressant demain. Oui, demain mercredi. Ouais, exactement. Et sinon, il y a le. Demain, en fait, on est mercredi. Donc jeudi, le 5 octobre. Excusez-moi. Je suis en train de réfléchir tout. C'est le Mac qui te fait ça. Ouais, c'est ça, exactement. ou la page que t'as ouverte sur mon Mac. Mais ça, c'est une autre histoire. Écoute, on pourrait en parler après. Non! Donc, le 5 octobre, c'est ça, jeudi, soirée tango, danse et poésie dans le cadre du 27e Festival international de la poésie de Trois-Rivières, bien évidemment. Le département de philosophie et des arts de l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'école Tango 3R présentent pour une deuxième année consécutive la soirée tango, danse et poésie. Donc, c'est des mouvements de main en plus. Tango! Ah, mais tango, c'est vraiment, tu sais, c'est expressif. Ouais, quand même. Ouais. En fait, le corps, c'est des moves. C'est un habillement aussi. Là. Ouais. Tu t'habilles pas là, comme tous les jours. Comme tu t'habilles, aujourd'hui. Non, mais en tout cas, c'est comme des souliers un peu bizarres. En fait. Je sais pas, je suis pas un expert de la danse. Tu sais très bien. Ben, je danse comme un pied, en fait. Là. Ouais. Donc, voilà. Et puis, c'est ça. C'est le 5. Donc, jeudi. Non, mercredi. Non, mercredi, c'est ça. On est le 4. Aussi. Ça devient mêlant un peu. Ouais. Oh ouais, je suis vraiment mêlé. Le calendrier, c'est quoi, romain, je sais pas quoi. Là. C'est mêlant. Ouais. C'est qui, c'est le calendrier de qui, ça? Là? Grec. Peut-être. Sans faute des Grecs, encore. Ouais, non, mais les Grecs qui en font les bonnes affaires, par exemple. Par contre, en fin de semaine, là, ouais. dans un restaurant, tu sais, genre un restaurant où tu vas acheter de la pizza d'habitude, tu sais, mettons. Ouais. Tu sais, mettons, de quoi je parle. Ils font une nouvelle poutine avec des patates grecques. Patates grecques, fromage, sauce, ben c'est supposé être une sauce au cheese whiz, genre. Oh. Moi j'ai pris la sauce originale à la place, mais. Sauce brune, là, c'est comme. Non, pas brune. Non? Originale. Ben originale, c'est quoi? Ben c'est pas brune. C'est comme plus salé, poivré, là, c'est vraiment onctueux. Là. Moi la sauce brune, je serais pas bien. En tout cas, patates grecques, fromage, sauce originale. C'est bon, hein? Ouais. Sauce au poivre, non? Sauce au poivre, ouais, j'aime bien, mais des fois. C'est poivré. C'est poivré, mais pas une sauce au poivre, parce qu'au poivre, c'est avec des grains de poivre qui pognent dans les nains. Ouais. Non, j'aime pas ça. Et ça, c'était les nouvelles du campus. T'sais. Ouais, exactement. Mais en fait, juste pour terminer avec la soirée tango, danse et poésie, les personnes qui veulent y assister, en fait, là, peuvent réserver leur billet au coût de 10$ chacun, en composant le 819-376-5011 et le poste est le 3215. Voilà, des billets vont être disponibles aussi à la porte au soir même au coût de 12$ l'unité. Parfait. Et ceux qui veulent commander la poutine, c'est 819. Non, c'est pas vrai. 376-5183. Oh, puis, Colin, on vous livre Mathieu Plante. Puis vous en occupez pendant une semaine. OK, parfait. Puis vous autres, vous me payez la poutine avec les patates grecques. Écoute, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent t'attacher et puis te séquestrer, peut-être. Peut-être. Je dirais pas non. Ça dépend c'est qui. C'est ça, ouais. Et c'est ben trop vrai. Moi, j'ai pris pour acquis. Oh. Ça pourrait être monsieur Varona. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Non, je sais, mais juste toi. Ouais. Moi, je la comprends. Très bien. Merci François-Olivier. Marchand. Ça fait plaisir. Ça a l'air de faire plaisir en masse, hein, c'est une petite blague-là. On va l'entendre, Bravo Funkin. Bravo Funkin. Bravo Funkin, parce que je te dis bravo pour ta chronique. Oh! C'est vrai que... Oh! Ah, ah. Ça, c'est bon. Tu m'as ramené devant le micro. Bravo Funkin, cœur Rubik. Sur C'est Fou 89.1 FM et sur C'est Fou.ca. Ouais. Mouais. Ouais. Ouais. Je vais t'en reparler. Bon. Ma fête, je fais quand même un vœu. J'aimerais tellement être la mèche du milieu, la tresse dans tes cheveux. Je glisse sur tes cils pour voir dans tes yeux les couleurs de ton bleu. Tu bats des paupières, ça m'envoie en l'air. J'aimerais comprendre ton tonnerre thoracique. Thank you. The Hot Chip. Fantastique. Ça faisait je sais pas combien de temps j'avais pas entendu ça. Mais c'est très bon. Ben oui, c'est mais très bon. Des fois, faut se gâter, François. Des fois, faut le dire trois fois. Et c'est très bon. C'est quoi? Qu'est-ce qui est très bon? Très bon, quatre fois, là. J'arrête. Fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt avec nos chroniqueurs, nos nombreux chroniqueurs. Il y aura Stéphanie Gagné. Stéphanie Gagné, avec ton plat favori. C'est quoi ça? La descendance de Mathieu. C'est quoi ça? Et mes curiosités. Ça, on sait vraiment jamais c'est quoi trop. Hein. Hey! Hey! Reste poli, jeune homme. Ça goûte bon comme avec comme les céréales du Cheese Whiz. Ça va être crémeux, ça va être contre toi. Hey, tu sais que mon glaçage est très crémeux, moi aussi, bon. Attends un peu, là. On aura aussi Sébastien Dulude avec sa chronique, son éditorial culturel Va voir ailleurs, j'y suis. Il nous parle de slam. Ça, c'est vers les 8h30. Mais pour l'instant, on s'écoute l'Infocampus. Restez là. Est-ce que tu ris de ma crémitude, ma crémosité? Ta crémosité. Vous êtes assez fou. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 4 octobre 2011. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Qui a décédé plein les poches. Qu'est-ce que t'as? Ah non, mais c'est mon dessert contre toi. Ah oui, est-ce que c'est ce que t'as fait jouer dans l'auto ce matin? Non. Non? Non. Ah. Hein? Je t'ai blanchi. En effet, tu 16 à 0. Bravo. François, on accueille ta bonne amie, en fait, celle que t'aimes insulter. Wow. Mais les gens qui spinnent comme ça, l'un et l'autre, il y a quelque chose à l'arrière de ça. Mais ce que j'aime de la recevoir par téléphone, c'est qu'à un moment donné, là, tu vois qu'il y a des raps, tu baisses le son puis tu passes à autre chose. Ah. C'est aussi simple comme ça. OK. Je prends les notes, tu me feras signe. Voici Stéphanie Gagné et ton plat favori. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça va? Oh, il fait déjà signe que je baisse ton micro. C'est ça qui est dégelé, hein? Moi, on pourrait l'insulter. Ouais, c'est ça, en effet. Retiens-toi. Un peu de respect, là. Ben, c'est ça. Il est protégé seulement par le fait qu'il est dégelé, hein? Et voilà, c'est ton supérieur hiérarchique. Shut up. Donc, Stéphanie, toujours en direct de Gatineau via téléphone. T'as passé une belle semaine. J'ai entendu dire que t'avais visité, c'est François qui me disait ça tantôt, les studios de Radio-Canada. Oui, on est allé voir ça, on est allé voir les studios de télévision et de radio à Radio-Canada. C'était assez impressionnant, assez grand. Ils ont tout expliqué comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui était où, le régional, l'international, etc. C'était assez impressionnant. Ça, c'était dans le cadre de ton cours ou tu y allais vraiment pour ton plaisir personnel? Non, je suis allée pour mon plaisir personnel, mais je suis allée avec d'autres personnes de mon groupe. Et en plus, j'ai un de mes professeurs qui travaille à Radio-Canada, fait que il nous a fait un petit tour personnel une fois qu'on avait fini avec la guide. Ah, crime, cool. C'est très cool, ça. Et quand t'as dit grand bureau, grand studio, est-ce que t'étais en train de dire que les nôtres sont petits? Là? Juste un peu, mais en plus, là-bas, à Radio-Canada, c'est vraiment pas la même chose, parce que l'animateur ne fait qu'animer. Pas de mise en onde, rien. Fait qu'à Radio-Canada, il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent pour une seule émission. Ouais. Donc, c'est très différent. Ben quand t'écoutes une émission à Radio-Canada, à la fin de l'émission, il y a le générique tout le temps à la radio. En tout cas, que l'animateur doit dire le générique lui-même et ça peut prendre 5-6 minutes. Donc, il y a beaucoup de monde. C'est assez éternel. Mais nous autres, au moins, on a le mérite. Non, c'est pas vrai. Non, mais pour une radio universitaire, je m'excuse, mais nos studios sont quand même... Ça accorde. Oui, ils sont vraiment très, très évolués comparés à il y a 5 ans. Comparé à d'autres stations aussi. Oui, à d'autres stations où c'est un pupitre de classe, genre là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est que, écoute, Radio-Canada, bon, on sait, ils ont de l'argent, les impôts et tout. Ouais, ça fonctionne bien. Et tant mieux, et eux, en fait, aussi, encouragent les radios universitaires. Exactement, ben oui. Donc ça, c'est très bien. Oui, tout à fait. De toute façon, on peut vraiment pas comparer avec Radio-Canada, parce que comme tu disais, c'est avec... Les impôts, c'est payé par nous. Ils ont de l'argent en masse. Ouais. Fait que c'est vraiment... On peut pas faire de comparaison avec Sifu. C'est pour ça qu'on arrête d'en parler tout de suite. Non, c'est pas... bon restant de cours de radio. Stéphanie, on en parlera dans les prochaines semaines. On a des affaires intéressantes à dire des fois là-bas. C'est bien belle fun. Hey, merci pour ta chronique. Bye. Donc aujourd'hui, Stéphanie Gagné, dans ta chronique Ton plat favori, tu nous présentes comme toujours tes coups de cœur du moment. Des fois, t'en as plusieurs, des fois, t'en as un, des fois, t'en as. Des fois, t'en as pas. Des fois, t'en as pas, des fois, tu te présentes pas. Ça, c'est une pin, hein. Je l'avais dit qu'il y avait des pins entre ces deux-là. Là. Il y a quelque chose derrière ça, je pense. Tout le temps. Bon, ouais. C'est amical. Donc, t'en fais deux pour compenser, c'est ça? Oui, c'est ça. J'en ai deux cette semaine. En tout cas, j'ai découvert plein de nouveaux stocks cette semaine. Je me suis procuré beaucoup d'albums cette semaine. Fait que fallait que je fasse un choix. Et là, j'ai écouté le nouveau vidéoclip de Florence and the Machine. C'est sur la pièce Shake It Out, le premier extrait de son prochain album. Son deuxième album, Ceremonials, qui va sortir le 15 novembre. Dans le fond, elle avait sorti son premier album Lungs en 2009, un album que j'ai beaucoup fait jouer dans mon émission. Et je pense même qu'on en avait fait jouer pas mal ensemble, Mathieu. Oui. En tout cas, j'ai dû te pousser à en faire jouer, c'est certain. Quand on animait Assemblage requis, la version estivale, il y a 2 ans. Oui, exactement. Et c'est vraiment une super bonne chanson. Je voudrais pas mettre l'accent sur le clip nécessairement, mais plus sur la chanson. C'est vraiment une chanson qui est à la hauteur des attentes que j'avais pour le prochain album. Une chanson vraiment... Je parle souvent de ça quand je parle d'une chanson vraiment puissante. Une chanson que j'imagine pourrait jouer dans un stade puis t'entends des milliers de personnes chanter en même temps. Mm-hmm. Les paroles, c'est vraiment... comme François, comme François aime chanter là. Take me out to the ball game. Take me out to the Faudrait l'apprendre. Je voudrais pas comparer avec cette chanson-là, là, mais bon. Non, mais tu sais, mettons une chanson qui ressemble peut-être à Blue Hymn de Pennywise, non? Ça ne prend pas. C'est pas du tout le même style. Moi, je trouve qu'il y a des chansons de stade dans pas mal tous tes styles de musique. Et dans le style de Florence and the Machine, ça, c'est vraiment... Elle a vraiment bien choisi son premier extrait parce que c'est vraiment une chanson qui donne le goût de chanter tout le monde ensemble. En tout cas, elle est vraiment excellente, la pièce. Elle commence super tranquillement, mais à la fin, là, il y a beaucoup d'intensité dans la chanson. Ça m'a donné des frissons. J'ai vraiment beaucoup aimé. Tu mets la barre haute pas mal, mais on va entendre ça tantôt. Oui, parce que je vais vous parler de mon deuxième coup de cœur de la semaine qui est complètement différent de Florence and the Machine. C'est un groupe que je connaissais pas du tout. C'est The Dirty Heads. C'est un groupe reggae, rock. Des fois, il y a des influences hip-hop. Ça ressemble un peu au début du groupe Sublime. Okay. François, il doit connaître ça? Ouais. Désolé, j'étais loin du micro. OK. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à Sublime. C'est un groupe qui est ensemble depuis 1996, mais qui a juste sorti un album studio en 2008, l'album Any Port in a Storm. Et l'extrait est tiré, évidemment, de cet album-là. C'est la pièce Stand Tall que j'ai vraiment aimée, mais qui est complètement différente de Florence and the Machine. Cool, on va les entendre dos à dos dans quelques secondes. Le temps de te remercier. Ben, pas de problème. Et puis, on va suivre ça tantôt avec ton Mon dessert délicieux et tes crudités à François-Olivier. Mes crudités qui sont contre Mathieu. Caroline, il est pas fin aujourd'hui. Il dépine des affaires contre l'autre, puis ma second bin. Ben non, mais c'est pas contre toi. C'est plus contre moi. Merde, go. Hein, ça a aucun sens. C'est compliqué, pas mal. Est-ce que tu comprends? Oui, ça, mais c'est très bon. Mais c'est très bon. Si t'es capable de rester syntonisé avec nous, Stéphanie. Est-ce que tu t'en vas encore à ton cours, Steph, à 8h15, genre? Oui, à 8h15, mais j'ai quand même le temps d'écouter sur le merveilleux site web de C'est Fou. Une chance qui existe, hein? Une chance qui est là, sinon je pourrais pas vous écouter. Ça. C'est le fun, c'est beau, c'est fin, c'est divertissant. Eh bien, sinon, toi, tu finis quand? L'école? Elle vient de commencer, non? Ouais, mais c'est une question, c'est un an. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé. C'est je un finis cours de deux le 9 ans. Décembre. Le quoi? Ben, ma session finit le 9 décembre. OK. Et ton diplôme? Dans longtemps. Dans longtemps. Et les enfants? Non. Le mariage. C'est une blague. Ben, quand même. Prends pas ça mal. Bon. Tu voulais te marier? Non, mais c'est les questions classiques. Tu sais, quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas te marier? C'est des questions plates là, qu'une ma tante te demande après t'avoir pincé les joues. Mais marier, c'est plus rare aujourd'hui. J'avoue. Ouais. J'avoue. Ah, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est le contraire. Tout le monde se marie autour de toi. Ça revient? Ça revient? Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de mes amis qui sont mariés présentement. Mais pour vrai, ouais. Ça, puis ouais, toutes ces affaires-là. Moi, je trouve ça cher comme preuve d'amour. Je suis peut-être cheap, hein. Vous allez peut-être me trouver cheap, mais tu sais, quand tu dépenses, je sais pas, 10, 15, 20 000. C'est vrai que t'es pas obligé de faire ça, tu sais. Non. C'est ce qu'on me dit. Obligé. Après. Pas obligé. Tu peux aussi simplement t'acheter une NHL puis jouer dans la cave. Hey! Ah, ça, t'as bon, on va l'apprécier. Ouais, non, ça, par exemple, c'est ça. Ça reste à voir, mais bon. Hein? Mais c'est ça, pas obligé de dépenser autant pour un mariage. En tout cas, moi, je sais que ma vision du mariage, c'est très simpliste. OK, c'est quoi? Pas beaucoup de personnes, très peu d'invités, pas une grosse salle décorée, toute l'équipe là. Pas de mari, rien, non. Ouais. Ah là là. C'est minimaliste. Très minimaliste. Parfait, écoute, je retiens ça. Je veux me marier, je te rappelle. Vous pourriez faire un pack. Tu sais, dans les sitcoms, ils font ça, des packs, là, genre que si on n'est pas les deux mariés à l'âge de X années, on se marie ensemble. T'sais. Souvent, ça, ouais, j'ai une de mes amies qui a fait ça, en fait, avec un de ses amis. Puis? Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle a un chum présentement. Et ça s'annonce vraiment bien pour le chum, ça. Hein? Si jamais ça marche pas avec lui. Ouais. Ouais, mais ça se fera pas. Ça se fera pas. Non, c'est sûr que non. On dira pas son nom en nom, en tout cas. C'est des paroles de jeunes enfants. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, on te laisse aller manger ouais, tes t'es chips. Ouais, t'es céréales, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Manger mes céréales? Non, je suis déjà toute prête à partir. Bon, ben va-t'en d'abord. En tout cas, il y a un drôle de son. Ouais. Ah, ça, c'est moi qui passe la... comment qu'on appelle ça? En tout cas, le truc pour enlever les poussières. Ah, le rouleau, là. Le Swiffer, là. Exactement. Ah, ils en font des Swiffer, ils en font pour les poils. Ah ouais? C'est vrai. Et là, on donne toute une image. On s'embarque vraiment dans des sujets là, hors contexte avec ça. Hein? Ouais, c'est pas François me dit que François me dit qu'on peut baisser ton micro maintenant, fait que genre on attends, comme ils disent à Radio-Canada, on perd le lien satellite en ce moment, donc on doit vous laisser aller. Salut, Steph. Bye. À la semaine prochaine, Stéphanie. Ouais. Gagné en direct de Gatineau. On écoute Florence and the Machine avec Shake It Out au 89.fm. On perd le signal satellite. Regrets collect like old friends. Here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, Choix de Stéphanie Gagné dans son plat favori. On vient entendre The Dirty Heads avec Stand Tall. Et avant, c'était Shake It Out de Florence and the Machine. Et non, c'était pas... c'était Shake It Out et non Shake It Up, là. Tu sais, la chanson thème de l'émission de télé, là. C'est, tu sais, là, ça va un peu si je la change. Don't like waiting, don't like waiting, let's go right now. Ben, c'est quoi? Gotta hit the ground, dancing for the music slows down. Émission à Drac TV. Non. Ça commence ici, je pense. Regarde ça comment... C'est mauvais, hein? Ah, ça me donne pas le goût de l'écouter, en ce moment. Non, mais c'était pas ça. Mais non, c'était à la place Check It Out. François, crudité de François Olivier pour accompagner le plat favori. Ouais, exactement. Écoute, je voulais te faire une petite... en fait, te dire beaucoup plus d'informations que ce que je vais te dire là. Mais hein? T'as pas l'ordi de ton bord. Non, c'est ça. Pas, en fait, ouais. Mon ordinateur ne fonctionne pas aujourd'hui. Écoute, je te parle du dernier disque de Against Me. Ah! Qui s'appelle, en fait, Total Clarity. Et puis, c'est très bon, en fait. C'est sorti l'année 2011, la date exacte. En fait, je ne peux pas vous le dire. OK. Mais très bon album. Pour vrai, là, pour les fans, là, pour les fans... Les fans. Les fans. Les fans. Les fans. Pour les fans qui aiment le son d'Against Me. Ça reste dans le même thème. Ah, ça reste dans le même thème. C'est très bon. C'est très bon. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas si violent que ça. Tu sais, des fois, tu parles d'Against Me, le monde pense que ça crie, puis ça c'est rapide. Et puis non. Effectivement. Et puis la pièce que j'ai choisie, Violence... Même si ça s'appelle violence. Oui, mais c'est plus ou moins violent. Hein. Okay. En tout cas, vous allez avoir le plaisir d'écouter cette pièce. J'ai bien hâte. Est-ce que c'est pour ça que tu disais que tantôt que c'était un choix contre moi? Ouais, c'est ça. J'ai de la comprendre. Hein? C'est du grand Mathieu Plante. Avec délai, oui. Mathieu Plante avec délai, ça va ensemble. Puis, pour comprendre les choses. Hein? Pour faire des jeux de mots que personne ne comprend, c'est par contre number one. Ouais. Number one. Imbattable. Donc, Violence de Against Me, on écoute ça dans le blog Ton plat favori. C'est les crudités de François-Olivier. Et restez là parce qu'après ça, ça va être le dessert délicieux de Mathieu. Oh, ça c'est tout le temps bon. Magnon. Non, fais-moi pas ces bruits-là. Non. Non. Je mange. Ah, OK. Quelqu'un qui mange qui a pas de dents. Yeah. Against Me avec la pièce Violence. Oui. Du dernier album de Total Clarity. Ça a bien l'allure. Hein, c'est bon. Ouais. Pas mal bon. Moi, ça me rappelle. Prends pas ça mal. Mais prends pas ça mal. Et ça fond bien. Ça fond bien. Ça me rappelle la célèbre chanson, là. Attends un peu. Now, what starts with the letter C Cookie starts with C. Let's think of other things that starts with C. Who cares about other things? C is for cookie. That's good enough for me. C'est Cookie Monster dans Sesame Street. That's good enough for me. T'as tout défait mes crédités, Mathieu. That's good enough for me. Non, mais c'est la sauce qu'elle a avec. Cookie, cookie, cookie. C'est le Cookie Monster! Cookie, bon. Ça, c'était pas mon plat favori, non. Mon plat favori, merci en passant, François. Ah, ça fait quasiment plaisir. Non, mais c'est bon, mais c'est que sa voix me rappelle, le Cookie Monster. Oh, ouais. Ouais, il y a une voix quand même assez particulière. Particulière est le mot. Original, différente, spéciale. Mais moi, j'aime ça. Moi aussi. J'imagine qu'il y en a qui n'aiment pas ça, puis c'est correct. Non, c'est vraiment pas que j'aime pas ça, c'est une comparaison. Parfait. J'aime ça, j'ai aimé ta chanson, François. Parfait. Mon choix aujourd'hui, c'est Tetris Axis qui est sorti hier. Tetris Axis? En fait. Tetris Axis, c'est la nouvelle version de Tetris pour la Nintendo 3DS. OK, en 3D? En 3D, ben certains modes en 3D. Ben en fait, tout le jeu au complet est en 3D, mais le jeu, la plateforme de jeu Tetris en tant que tel, le 3D n'est pas vraiment là. C'est plus les affaires qui apparaissent par-dessus, des fois les messages qui apparaissent à l'écran. Mais c'est ça, donc super pas cher en plus, seulement 30$. Je pense que Nintendo a compris que les jeux comme ça, qu'on n'allait pas, tu sais... C'est pas un jeu, là, c'est pas un affaire révolutionnaire. C'est ça, tu paieras pas ben plus que ça. Moi, je serais peut-être descendu à 25-20. La barrière psychologique du 20$ est pas mal où j'aurais peut-être placé ça. Mais quand même, 30$, j'apprécie le fait qu'ils ont baissé en bas de 40-50. Là-dedans, il y a plus de 20 modes de jeu. Donc, c'est ce qui m'a intéressé à l'acheter, autre que l'effet 3D sur certains modes. Mode multijoueur en ligne et local, j'aime bien ça. Il y a aussi le nouveau mode que j'ai pas encore essayé. Là, je vais essayer de faire une critique plus exhaustive à un moment donné de ce jeu-là. Là, je vais aller plus rapidement. Mais il y a des modes de réalité alternative. Donc, tu sais que tu peux tenir une carte dans tes mains, une carte que tu fais imprimer avec un logo dessus, et avec ta 3DS, tu vas pouvoir, avec la caméra dessus, aller sur la feuille. Il va apparaître un jeu de Tetris dans la feuille. Mettons, si tu peux mettre j'ai vu une vidéo d'un gars qui s'était mis la feuille sur le ventre d'un de ses amis. Puis là, ben, tu peux jouer à Tetris dans le ventre de ton ami, tu sais. Les blocs vont descendre dans le ventre de la personne. Oh, ouais. Donc, c'est vraiment... Là, quand tu bouges ta caméra, ça suit. Change. Donc, c'est vraiment super bien fait, ce mode-là, sur la 3DS. Sinon, il y a des modes classiques, là, marathon, endurance, faire le plus de Tetris de 4 lignes à la fois possible en un certain temps. Mode de survie, je l'avais dit. C'est... Mode casse-tête, où tu as des morceaux qui tombent et sur l'écran du bas, tu vois l'image que tu es supposé faire. Et tes blocs tombent en... ça, c'était en haut. Et donc, sur l'écran d'en bas, tes blocs tombent et tu dois le mettre à la bonne place pour réussir à résoudre le casse-tête. Et à la fin, voir l'image que ça donne. T'as un mode Shadow Wide qui s'appelle. C'est comme tu dois construire des formes. Donc, t'as vraiment une image qui apparaît en bas qui est composée de petits carrés gris. Et là, t'as des blocs qui descendent et tu dois construire la même affaire et aller le moins possible à l'extérieur des formes. Tu sais, mettons, quand t'as un bloc de Tetris qui tombe, qui est un tétrimino, qui est trop gros et que tu fais dépasser de la forme, là, ça va t'enlever un point, tu sais, mettons. Ah, OK. Donc, c'est ce genre de choses-là. Il y a aussi, dans les modes 3D, Fit, où t'as un peu comme dans le mur avec Benoît Gagnon. Là, t'as un mur qui vient vers toi. OK, fitter les formes dedans. Donc, plein de choses comme ça, je pourrais continuer très, très longtemps, mais vraiment des modes super intéressants. J'ai commencé à jouer hier parce qu'il sortait, je crois que c'est dimanche, officiellement. Et j'ai juste joué à des modes classiques et quelques affaires en 3D, pas grand-chose. Je suis pas allé encore dans les modes plus avancés où t'as une tour, par exemple, qui tourne et t'as un petit bonhomme qui va monter et il faut que tu places des briques pour faire monter ton petit bonhomme un carré par carré jusqu'en haut. C'est super le fun pour moi. C'est cool. Mais bon, je vais l'essayer plus, de façon plus exhaustive. Tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. Ouais. Je pouvais pas passer à côté d'un nouveau Tetris. Il sortait quand? Il sortait dimanche. OK. Donc, je l'ai acheté hier, lundi. Il y en avait partout. Donc, vraiment, si vous le cherchez, vous le trouverez, vous allez le trouver, c'est sûr. Ça, c'est pas comme certains jeux obscurs que des fois, faut que tu fasses 5-6 magasins après la date de sortie pour te rendre compte qu'ils vont le recevoir juste la semaine suivante. Ouais. Ça m'énerve. Plate, ça. Ouais, quand tu as une date de sortie... Oh, ouais. Tu sais, les films, c'est pas dur. Le film, tu le cherches, tu vas l'avoir. Les jeux vidéo, on dirait que, il faut que tu cherches un peu, il faut que tu leur demandes. Ils sont peut-être dans une boîte dans le backstore. Tu sais, avoir su, au pire, tu l'aurais commandé à temps pour l'avoir à temps. Exactement. Tu sais, c'est pas vraiment plus dur pour toi, mais c'est parce que veux pas aussi, tu veux encourager un peu l'économie ici. C'est tout à fait ça. Et pour ajouter là-dessus, sur ce que tu dis, je vais précommander. J'ai pas l'habitude de précommander les jeux, je sais pas si toi tu le fais. Moi, je le fais pour Call of Duty. That's it. C'est bon. Moi, il y a Mario Land, Mario 3D Land qui sort dans le mois de, je crois, novembre. Et puis en décembre, c'est Mario Kart. Sur la 3DS. Je vais précommander les deux parce que de nos jours, ils donnent des bonus un petit peu plus souvent. Ouais. Donc même Mario, souvent, un petit. Tu sais, le petit porte-clés de Mario Bros 3 en raton laveur. Là. OK. Je vais avoir ça, moi. Chez le magasin, là. Ouais. Avec des jeux puis des lettres, là. Ouais. Ouais, j'ai bien hâte. Bref, Tetris Axis, je vous le recommande vraiment beaucoup. Cool. Et j'ai vu les vidéos des autres jeux et j'ai vu les démos de ça. Et même sans avoir joué à ceux-là, je sais que je vais les aimer. Tetris Axis. Allez voir tetrisaxis.nintendo.com pour plus d'infos. Remation. Mais Mathieu, toi, t'as une Wii. Oui, j'ai une Wii. Exact. Puis t'as un PlayStation 3. Exact, oui, c'est ça. Et puis, tu trouves pas ça plate de jouer sur ta 3DS? Non, du tout. J'aime le fait d'avoir l'écran vraiment près de moi et de pouvoir aller n'importe où dans le salon ou dans la cuisine, n'importe quoi, et jouer là-dessus, alors que la console t'es vraiment plus sur ta télé. Ouais, là, c'est vrai que t'es... L'effet 3D, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois dans mes chroniques, mais je sais pas... Là, ça a un peu à dégérer, mais... Ouais, c'est moins une tannes, pour vrai. C'est pas que ça donne mal à la tête. Il y en a pour qui ça donne mal à la tête. Moi, c'est plus vraiment... je finis par le perdre, l'effet. Parce qu'il faut vraiment que tes yeux soient comme défocusés, là, ça. Mais bon, c'est pas grave. Tu peux jouer sans la 3D, il y a beaucoup de gens qui le font, là. Mario Kart, ça va-tu se vendre, ça? Et, moi, j'ai tellement hâte. Parce que, sérieux, c'est le jeu. La version d'avant, là, sur la DS tout court, se vend encore et en grosse, tu sais, en visibilité, là, pas réduite du tout. Là, et les gens l'achètent pour la 3DS, jouent encore avec. Moi, je l'ai. J'adore ça. C'est un très, très bon jeu. Et là, la nouvelle version va être non seulement avec des effets 3D, mais en plus avec un genre de deltaplane, tu sais. Littéralement, ça va pouvoir plonger et ça va pouvoir aussi prendre la vue à l'intérieur d'une voiture, comme dans les vrais jeux de course, là, tu sais, officiels. T'auras plus besoin de voir juste ta voiture, tu vas être dans l'auto, là. Okay. Dans les yeux de la personne. Génial, génial. Ah, c'est cool, ouais, c'est vraiment cool. Et puis, sur une console, en fait, là, une console plutôt, je sais pas comment t'appelles ça, mais rattachée à une TV. Traditionnelle, ouais, salon. Ouais, c'est ça, exactement. Mario Kart avait sorti chez au 64. Ouais, il avait eu un après ça sur la GameCube et un sur la Wii. Il y en a eu sur chaque Sur la Wii aussi? Oh, ouais, t'en as un. Sur la Wii, c'est celui où t'avais des motos. L'introduction des motos. OK. Et tu pouvais jouer avec un volant. Oui, je l'ai. Puis? J'adore. Ouais. J'adore ça. Tu tannes vite, je trouve. Plus vite que les autres ou? Ben, c'est le. Je me suis tanné du volant. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire, bon, la Wii, tu peux avoir. Ça prend mais c'est tellement le mou. Tu sais, t'as pas de résistance. C'est pas comme un vrai volant où tu tiens quelque chose de physique. C'est dans les airs. Fait que non, j'aime pas bien ça. J'ai fini par. Tu rattaches une manette de GameCube. Selon moi, c'est la meilleure façon de jouer à Mario Kart sur la Wii. Okay, parce que tu peux. Ouais, tu peux. Tu peux faire ça. Tu peux prendre la manette normale sur le côté, tu peux prendre la manette et ton nunchuck dans les deux mains, puis juste. Ça aussi, c'est très très bon comme mode. Mais tant qu'à ça, manette de GameCube, tu l'as, ouais, ça, exactement. Peut-être qu'on va me trouver old school un peu, mais je pense c'est que. C'est correct. Tu peux encore utiliser une manette. Pas nécessairement juste les bras. Non, on se calme avec ça. Puis à un moment donné aussi, c'est le fun, c'est ça, pas bouger. Oui. Tu sais, c'est con, mais. Ben, c'est ça, le mode sédentaire qu'on appelle, assis dans le divin vaché à Mario Kart. Ouais, je te comprends. J'aime bien, bien gros ça. Ouais, parlant de jeux de course, et là, je réalise qu'on fait beaucoup de liens, mais parlant de jeux de course sur la PS3 et la PSP, le petit jeu de course, dont le nom m'échappe en ce moment parce que je veux le dire, mais il y a un jeu de course qui ressemble vraiment beaucoup à Mario Kart, qui est vraiment super le fun. Je vous retrouve le nom, puis je vais en parler, mais... Modern Racing Racers, en tout cas, bref. Mod Nation Racers. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien. J'adore ça, c'est vraiment très très. Tu joues sur Play 3? Je joue sur Play 3, sur PSP aussi. T'as un PSP aussi? Ouais. T'as, ouais, c'est quoi que t'as pas? Ben, c'est mes. Xbox? Mon passe-temps, j'ai pas d'Xbox. C'est ça, j'ai pas d'Xbox. Ben, rendu là, ça donne pas grand chose d'en avoir une. Ben, j'ai dû faire un choix entre la PS3 puis la Xbox. Puis moi, le style de jeu, Little Big Planet et Mod Nation Racers, entre autres comme franchise, c'est seulement sur Sony. Donc, désolé Microsoft. Oh, ouais. Puis Tom Lurie. Ouais, dans la PS3. PS3. J'ai entendu ce raccourci-là. Non, mais ça sonne bien. Bref, ben c'est ça. Hey, on a parlé d'affaires geek dans une chronique pas geek. Ben, okay. À un moment donné, on va faire juste du geek dans ces missions-là. On dirait qu'on fait ça pour éviter du chiptunes. Non, mais ça sent bien. Il nous reste une demi-heure. La chronique CNX s'en vient. On va faire ça vite. Donc, François, est-ce que tu as envie de terminer ton plat favori ici? Remercier Stéphanie, te remercier, me remercier. Oui. Et passer à autre chose. Ça y est. Voilà. On va entendre du Dead Man Gun sur l'album Oh Fortune. Voici la pièce titre au 89.1 FM. Oh my God. chances, oh forces, luck. Fields arid, windows boarded, enough. Tell me you et Knuckle Down sur leur album Life Fantastic à Assemblage Requis. Maintenant, on écoute Sébastien Dulude. Voici sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Alors, cette semaine, je vous parle de slam et le titre de ma chronique s'appelle « Slam dit plus rien ». Depuis la création en janvier 2007, donc ça fait 5 ans, de la Ligue québécoise de slam, la LIX, donc Ligue québécoise de slam. Donc, ça a été cofondé, ça, par les cellules slam de Québec, la Slam Cap, et la cellule de Montréal, Slam Montréal. Notez toujours les jeux de mots savoureux. Il a coulé donc beaucoup d'eau sous les ponts du slam depuis ces 5 ans. Certains de ces ponts aujourd'hui sont impraticables, d'autres bien achalandés, faut le dire, et d'autres encore ne mènent absolument nulle part. C'est peut-être la nature même du slam qui est par essence inclusive qui fait qu'il y a autant de dissensions qui se manifestent. En effet, plus on invite de voix au chapitre, plus ces voix peuvent en effet donc dissonner. Mais il y aurait aussi peut-être la possibilité que des voix s'élèvent ou même s'éteignent lorsqu'elles constatent qu'au sein de la grande famille du slam, qu'on appelle la slamille, on compte de plus en plus de désertions. Préoccupant problème pour ces espaces démocratiques de poésie où les poètes publiés sont extrêmement rares et où, en contrepartie, les artistes de la rime qui spinent quand la société m'opprime, tchic-tchac, sont légion. Voici donc un bref rappel de certains faits qui pourront éclairer la situation actuelle du slam. Actualité du slam. Donc, les 17 et 18 septembre dernier à Montréal, au Lion d'Or, avait lieu la 5e édition du Grand Slam, qui est le grand tournoi annuel de slam qui oppose toutes les cellules slam du Québec. Toutes? Non, car un village peuplé d'irréductibles Sherbrookois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bon, c'est une petite boutade, c'est pas tout à fait des Gaulois. Et dans les faits, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois depuis 2007, l'équipe de Sherbrooke ne s'est pas présentée au Grand Slam de la LIX parce qu'elle n'en fait plus partie de cette Ligue québécoise de slam. Pourtant, en 2010, l'équipe de Sherbrooke avait fort bien paru en occupant une deuxième année consécutive, la deuxième place à l'issue du tournoi, donc toujours derrière Montréal, tandis que son slameur étoile, David Goudreau, l'année passée, remportait la palme individuelle. Conséquemment, cette victoire, Goudreau lui avait été invité à participer à la Coupe du monde de slam de poésie en France, qu'il a remporté devant 15 des meilleurs slameurs au monde. Ça, c'était en juin dernier. Et il faut aussi rappeler que l'équipe de Sherbrooke avait d'ailleurs gagné l'édition 2008 du Grand Slam, donc la deuxième édition du Grand Slam, elle l'avait remportée. Et donc, c'était franchement, Sherbrooke, l'un des piliers les plus stables de la Ligue. Donc, c'est un coup de théâtre qui a fait beaucoup jaser au sein de la Ligue. Et d'autant plus que cette année, la cellule de slam de Lanaudière était également absente du Grand Slam. Donc, c'est des dissensions autour de l'administration de la Ligue qui seraient à l'origine de ces départs. J'en sais pas plus et ça serait certainement l'objet d'une petite enquête qu'on pourrait poursuivre de ce côté. Mais donc, à part les retraits de Sherbrooke et Lanaudière, on remarque que cette année, la donne change beaucoup dans la slamosphère. Premièrement, il y avait Rimouski qui était représenté pour la première fois au Grand Slam. Donc, félicitations au Bas-Saint-Laurent qui se joint à la Grande Slamille. Et Slam Outaouais a accédé au titre de champion 2011. Ils sont les champions de cette année. Et parmi leurs membres, ils avaient le meilleur slameur individuel au tableau à l'issue du tournoi en la personne de M. Guy Perrault. Et enfin, dans les actualités du Grand Slam, il y avait la Ville de Québec qui a atteint la seconde place, donc qui a terminé deuxième, et c'est sa meilleure position depuis 2007. Et pourtant, l'équipe de Québec compte à l'intérieur de ses rangs, oui, deux slameurs vraiment d'expérience en la personne d'Annie Beaulac et Paul Dallaire. Et le slamestre également est des plus compétents, c'est M. André Marceau qui, lui, s'occupe non seulement des slams à chaque mois, mais également il organise des slam sessions qui permettent de recruter à l'année et de présenter des équipes qui ont plus de relief. Et donc, Trois-Rivières dans tout ce dynamique paysage, eh bien malheureusement, Slam Mauricie n'a impressionné absolument personne au dernier Grand Slam. On était dernier sur 5 équipes en 2010 et cette année encore, dernier sur 5. Donc, Slam Mauricie vraiment n'a plus rien de la fougue et de la diversité qui caractérisait son équipe de 2009, qui avait atteint, donc à sa première année d'existence, une respectable 4e place sur 6 à l'époque. C'est un tournoi fort relevé. D'ailleurs, Sherbrooke et Gatineau avaient terminé ex aequo 2e et 3e. Donc, notre 4e place était comme une 3e en réalité. C'était un tournoi très serré. Mais depuis, les choses ont bien changé. Le Slam à Mauricie, donc qu'en est-il actuellement? Après 3 années d'existence, Slam Mauricie a manifestement besoin de nouveaux sang. Ou bien de déclarer carrément forfait si tous les moyens pris qui ont été pris pour assurer la vitalité de la Ligue s'avèrent vains. Il est important de savoir que de nombreux slameurs parmi les plus doués et intéressants de la région ne participent plus aux soirées de Slam Mauricie. À l'évidence, il y a un os dans le ballonnet. C'est pas comme si aucun symptôme n'avait annoncé cette déconfiture. La dernière entrée du blog de Slam Morrissey, qui date du 22 février 2011, est tout simplement là pour nous annoncer la sortie du CD du slam-mestre de Slam Morrissey, Mike McNeil. Son album, d'ailleurs, et c'est assez ironique, s'intitulait « Rien n'a changé ». Et c'est très vrai que rien n'a changé, parce que depuis cet événement mémorable, pas un mot sur la saison 2011, sur ses finales, sur les représentants délégués au Grand Slam cette année, sur leur expérience qu'ils ont eue au Grand Tournoi, pas un mot. Le site.com de l'organisation Slam Morrissey est quant à lui inactif depuis 2010. Donc, j'imagine que Mike McNeil aura sans doute préféré nous tenir informés par Facebook, où le groupe Slam Morrissey rejoint une foule astronomique de 88 membres. Plus vous, bientôt peut-être. Donc, pour ma part, moi, le slogan même de Slam Morrissey, qui s'appelle « Force et Slam », suffit à m'embarrasser. Et je ne m'attarderai pas non plus trop longtemps à son regrettable logo qui représente un individu hurlant et arrachant sa chemise. Disons que dans le réseau de Mike McNeil, donc le webmestre, le slammestre plutôt de Slam Morrissey, on rejoint très facilement les artistes de la parole puissante et musclée. Mais pour ce qui est du sens de la nuance, de la beauté du verbe bien manié, de l'intelligence de la parole désarçonnante, tout ça, niette. McNeil a choisi, lui, pour animal de totem, une scie ronde. Je me réfère à son logo personnel. Alors qu'un Guy Perrault de Slam Outaouais, donc champion individuel cette année, lui, c'est l'emblème même de la patiente tortue de la fable de La Fontaine. Et les lièvres, eux, ils courent vraiment dans tous les sens. Heureusement, le vent tourne à la lixe, les slameurs fins, imaginatifs et pourvus d'humour ont clairement la cote. Slam Morrissey, à l'heure actuelle, n'est définitivement pas l'incubateur de ce type de slam intelligent, humoristique et subtil. Ils sont où alors les slameurs intéressants à Morrissey? Eh bien, j'ai un tuyau pour vous. Un bon nombre d'entre eux seront au Iron Slam, organisé dans le cadre du OFF, Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Véritable marathon du slam, l'exercice est d'amener les slameurs à se dépasser, à aller puiser jusqu'au fond leur tiroir de textes et surtout à l'intérieur d'eux-mêmes, de leurs ressources et de leurs capacités. La soirée du OFF Festival de poésie, donc Iron Slam, se tiendra le vendredi 7 octobre au Café-Bar Le Maudit, au centre-ville, rue Champlain, à Trois-Rivières. Mais je souhaite néanmoins que ce Iron Slam tienne plus de la détermination des slameurs que du « combien tu benches », parce que moi, franchement, sinon, le slam ne me dira vraiment plus rien. C'était Sébastien Dulude pour « Va voir ailleurs », j'y suis. Merci beaucoup, Sébastien. Ça va bien? Tu passes une belle journée? Oui. Il est pas là avec nous, mais quand même. Il avait l'air vrai, hein, je trouve. Oh, oui, il avait l'air vrai. C'est comme un bonhomme de carton, des fois, quand tu le regardes de loin, tu sais, ouais. Il a l'air vrai. Mais ici, quand tu écoutes sa voix, il a l'air vrai aussi. Ouais. Mais il existe pour vrai, c'est pas un mythe. Non, il existe, ben oui. On le retrouve aux deux semaines ici à Assemblage Requis. Oui, exactement. Il est quoi? Il est très connu ici à Trois-Rivières. Ben, en effet, en effet. Et il provoque beaucoup de controverses sur le blog du Zone Campus. Allez voir zonecampus.ca. L'article « Va voir, j'y suis », Slam dit plus rien. Là. Et puis, il y a un commentaire assez long de Mike McNeil qui était mentionné dans la chronique. Donc, allez participer à la discussion si ça vous intéresse. Il est là pour ça, le blog, hein? Exact. Il est là pour provoquer des discussions. Bon, c'est comme un forum, ça. Bon. François, qu'est-ce que t'en penses si on termine ici cette chronique de slam et qu'on embarque? Est-ce que tu veux embarquer dans du jeu vidéo geek nouvelle technologique rapidement? Ah oui, donc? C'est la chronique CNX et là, tu vas devoir deviner encore une fois si je gagne. Okay. Roulette! Tu gagnes! Est-ce que je gagne? Tu gagnes! Est-ce que je gagne? Tu gagnes! Tu gagnes! Ah! Yeah! Je savais! Mais je gagne quoi? Hein? Tu gagnes beaucoup d'amour? Donc, la chronique scellée qui commence sur cette note d'amourosité. D'amour, tout simplement. Bah, c'est bien plus fun d'inventer des mots, voyons, non? Ben non. Des mots faciles, toi, là, avec le vocabulaire que t'as là. Vas-y. Première nouvelle, des estimés de UBM Tech Insights supposent que le Kindle Fire, dont on a parlé dans d'Amazon. Exactement, d'Amazon, serait plutôt vendu à profit parce qu'on pensait que ça faisait des pertes, cette affaire-là. Donc, contrairement à ce que l'analyste Gene Munster mentionnait la semaine passée, à l'effet que le Kindle Fire à 200$ obligeait Amazon à perdre une perte de 50$ US à chaque unité vendue, eh bien, UBM Tech Insights suppose que le Kindle serait profitable, ajoutant 50$ US l'unité dans les coffres déjà garnis. Donc, on rappelle, le Kindle Fire, c'est quoi? C'est une petite tablette à l'iPad, sur laquelle on peut regarder vidéos, émissions de télé, lire des livres, acheter des trucs, de la musique, n'importe quoi. Ouais. Moi, ça m'aurait surpris qu'ils vendent à perte, mais écoute, on peut faire une moyenne de ça et dire qu'ils feront pas une scène et qu'ils en perdront pas. Ça pourrait être kiff-kiff pas mal. Je pense que ça aurait plus de sens. Mais je crois qu'Amazon, de toute façon, va se fier sur le matériel qu'ils vont vendre sur leur base Amazon. Mais c'est ça, exactement. Tu le vends, Et puis, ils sont obligés de t'acheter à toi, un peu comme, les applications iPhone. Exactement. Donc, le prix du Kindle Fire pourrait n'être que de 150 US au total à produire. Donc, l'écran coûterait environ 60 à produire et le processeur, environ 19. Wow. Les autres composants de l'appareil, non. Hein. Ferait grimper le coût de fabrication à 150, bien qu'il soit difficile d'estimer les coûts financiers reliés à la main-d'œuvre, la publicité, l'assemblage, bon, etc. Non, etc. L'expédition. Amazon souhaite commercialiser un produit de qualité à faible prix en supprimant certaines fonctionnalités. On avait parlé qu'il n'y avait pas de caméra. L'écran est de petite taille. Mais moi, je préfère ça à un iPad. 7 pouces. Hein? 7 pouces, c'est en masse. Oh, c'est clair. C'est mieux qu'un iPhone. C'est parfait. Bon. Pour fin de comparaison, et toujours selon UBM Tech Insights, le Playbook de Research in Motion ne coûterait que 170 à produire pour le modèle de 16 gigs. Le Playbook était vendu, je crois, à quelque chose comme 400 qui avait été réduit. Mais en tout cas, tu sais, les tablettes, c'est pas mal dans les 400. Ouais. C'est cher. C'est cher. Est-ce qu'il est sorti le Kindle? Oui, le Kindle Fire est en commande sur Amazon.com. Je sais pas s'il est envoyé aux gens déjà, mais je sais que tu peux le commander. Tu peux le commander là, ouais, présentement. Sur Amazon.com. À 199. Exactement. Il y a plusieurs modèles. Il y a le Kindle Touch qui est pas en couleur. Puis t'as le modèle Wi-Fi, le modèle 3G. Sauf pour le Fire, t'as pas de 3G. Là, il commence à y avoir beaucoup de modèles à expliquer. Wow, allez voir sur Amazon.com, c'est quand même bien expliqué. Ensuite, la communauté Mozilla, ceux qu'on connaît pour Firefox, ils développent un moteur de rendu 3D qui s'appelle Gladius, intégré à un vaste projet qui s'appelle Paladin. Il doit permettre de développer des jeux pour une exécution directe dans le navigateur, sans aucun plugin. L'avènement du langage HTML5 et par les possibilités qu'il offre pour effectuer des actions comme la lecture de vidéos directement dans le navigateur sans passer par un plugin, oblige les éditeurs à repenser les moteurs d'affichage de leur navigateur. Donc, la communauté Mozilla vient de dévoiler Gladius, son propre moteur de rendu 3D destiné à Firefox, mais Gladius n'est qu'une partie d'un vaste projet destiné à amener le jeu 3D directement dans le web. Ce projet open source de moteur de jeu en JavaScript doit convaincre et aider les développeurs pour la programmation de nouveaux jeux pour Internet. Donc, on pourrait avoir du 3D dans le furteur bientôt. Ensuite, toujours dans CNX, on parle un petit peu de Facebook. L'onglet discussion va disparaître des pages. Ben c'est ça. C'est l'option de Facebook qui permettait de créer un forum de discussion. Donc, tu pouvais envoyer des messages et les gens pouvaient répondre à ça. C'était comme un genre de forum. C'était présent uniquement dans les pages Facebook. C'est des pages de fans. Là. Donc, l'option a encore un petit mois à vivre. Selon Inside Facebook, qui en a découvert une trace dans l'aide de Facebook, les développeurs auraient décidé de la supprimer le 31 octobre prochain. Selon les retours qu'ils ont, et je cite, « Le meilleur moyen de discuter reste les commentaires et la mise à jour de statut. » C'est sûr, c'est vrai, mais c'était pratique quand même, c'est d'avoir une plateforme individuelle où tu pouvais aller voir tous les sujets de discussion en ligne par ligne, alors que sur une page fan, tu vas avoir genre, tu sais, sur un écran gigantesque, tu vas avoir comme trois statuts tellement qu'il y a des commentaires des fois, c'est comme des grosses boîtes de statuts, puis tu veux pas nécessairement tout voir. C'est plus facile pour trouver une discussion, mais bon. On dit que seulement 914 000 utilisateurs par jour utilisaient les forums de discussion, alors qu'ils étaient 24 millions en décembre 2010. Oh, ça va voir, hein? Et voilà. Et voilà. Parlons rapidement de musique. Rhapsody a racheté Napster, pas Rapster. Selon les termes de l'accord, Best Buy recevra... il l'achète à Best Buy. Donc, selon les termes de l'accord, Best Buy va recevoir en échange des parts de Rhapsody parce que c'était rendu Best Buy le propriétaire. L'objectif est de mettre la main sur la base d'abonnés du précurseur du partage de musique en peer-to-peer. Rhapsody, l'un des pionniers des services d'écoute de musique en streaming payant, vient de mettre la main sur Napster. Le précurseur du partage de musique était la propriété de Best Buy depuis 2008. Les détails financiers de la vente ne sont pas révélés, mais on sait que Best Buy va recevoir des parts, comme on le disait. Le but premier de l'opération est de mettre la main sur la base d'abonnés de Napster. J'aime ça comment ils répètent dans les articles, j'haïs ça. Ouais. Il comptait 700 000 personnes au moment de l'acquisition en 2008. Et puis, à l'époque, Best Buy avait déboursé 121 millions de dollars. De son côté, Rhapsody a indiqué avoir dépassé les 800 000 abonnés qui peuvent avoir accès à un catalogue de 13 millions de titres depuis un ordinateur, une chaîne Hi-Fi et des terminaux mobiles. Voilà. Les téléphones intelligents affectent le cerveau, François. OK. Pas surprenant. Les téléphones intelligents modifieraient certains paramètres de fonctionnement du cerveau, créant ainsi une soif d'information au point de causer parfois un phénomène de dépendance. C'est ce qu'affirme le directeur de recherche du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, en France, dans un entretien accordé au magazine Figaro. Les iPhone, BlackBerry, Android et autres téléphones intelligents détournent régulièrement notre attention du moment présent pour le plonger dans un monde d'information, oui, abstraite. Ce faisant, le cerveau y perçoit de la motivation et du plaisir, ce qui peut occasionner ces phénomènes de dépendance. De récentes études auprès de singes permettent de constater que certaines neurones réagissent aussi à la perspective d'une information importante. Il est clair que ces nouvelles technologies mettent le cerveau dans une situation permanente de multitâche pour laquelle il n'est pas forcément conçu. La façon dont nous utilisons notre cerveau et notre attention est en train de changer, affirme le chercheur. intéressant. Intéressant. Sony a lancé une nouvelle initiative baptisée Only on PlayStation Network qui vise à souligner les jeux qui sont des exclusivités PlayStation Network. Un paquet de titres dont Infamous Festival of Blood et Pixel Junk Sideswirl. Cependant, ce qui retient surtout l'attention, c'est les jeux PlayStation 2 qui vont faire partie de l'initiative. Donc, c'est la première fois que les titres PS2 vont apparaître sur le PlayStation Network. Il y avait déjà des jeux de PlayStation première du nom. Les premiers titres vont débarquer dès aujourd'hui, mardi, le 4 octobre, c'est aujourd'hui. Le communiqué de Sony mentionne des titres de qualité, mais aussi des plus obscurs comme God Hand, Grim Grimoire, Maximum Ghosts to Glory, Elden Sphere et Ring of Red. Eh bien, on ne sait pas encore combien ils vont coûter. En tout cas, en date d'hier, on ne savait pas encore. À noter que les membres PlayStation Plus vont recevoir un rabais de 20% s'ils achètent des jeux là-dessus. Les PlayStation Plus, c'est ceux qui payent un forfait par année pour avoir des rabais. Donc, tu payes, mettons, 50$ par année, puis t'as plein de rabais. Des rabais sur des jeux, c'est exactement ça. Donc, les joueurs qui vont dépenser 60$ pendant le mois d'octobre vont recevoir un crédit de 10$ pour leurs achats de novembre aussi. Ah. Eh bien, c'est super. Si vous voulez aller voir sur assemblagerequis.com, la nouvelle boîte qui va accueillir le PlayStation Vita, la nouvelle version de la PSP. La PSP va changer de nom pour PS Vita. Ils disent que c'est une autre console, mais ça reste la même affaire. Le tactile à l'arrière, là, puis tactile à l'avant, puis il y a pas qu'à l'affaire. Donc la boîte a été dévoilée si vous voulez aller voir ça. Une équipe de chercheurs de Taïwan a révolutionné la façon dont nous entrerons dans nos domiciles. C'est la clé invisible qu'on appelle. Donc, terminer le lourd porte-clé, dorénavant, un seul geste va suffire. Vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter de perdre ou d'oublier vos clés. C'est ce qu'affirme un professeur à l'Institut de technologie et de sciences. Au cœur de cette nouvelle technologie, une puce qui va détecter le mouvement en trois dimensions, à l'instar de la Kinect de Microsoft. Il sera alors possible d'ouvrir une porte en répétant un geste lu par un détecteur. Ouais, mais c'est... Ouais. Je sais pas, c'est stupide. C'est un petit peu stupide. Tu regardes ton voisin qui fait un move bizarre et puis... Mais je sais pas s'il faut qu'il détecte la personne en même temps. Peut-être que ça va devoir être la bonne personne, le bon signe. Peut-être. Je sais pas, c'est dur à dire. Peut-être dans le corps là. Écoute, Mathieu, tu peux aller chercher de quoi chez nous, là, tu sais. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Est-ce que tu vas avoir un petit code à chiffres, peut-être, à composer comme plan B? Donc, cette clé invisible lui a valu une médaille d'or lors du plus récent Taipei International Invention Show and Technomart. L'article dit « Nul doute qu'il faudrait être très discret en ouvrant sa porte. » Que c'est drôle. C'est un peu comme toi. Ouais. C'est l'agence France Presse qui l'a dit. Oh! Donc, il l'a dit avant moi. Il l'a dit avant toi. Mais j'avoue que l'idée, en tant que telle, il faudrait plus de détails. Ouais. Sinon, c'est fou. Mais on l'a pas vu, tu sais. Pour gagner la médaille d'or, j'imagine que, écoute, ça doit être assez... Il doit y avoir du mérite là-dedans, ouais, à quelque part. J'imagine. À quelque part. Et on sait qu'aujourd'hui, là, on termine là-dessus, mais aujourd'hui, c'est l'annonce du iPhone 5 ou iPhone 4S qui s'en vient. Là, en direct à 9h01. Oups. On sait pas encore qu'est-ce qui se passe. Ça va être plus tard aujourd'hui qu'on va le savoir. On dit à... C'est moi au courant. C'est ça, ça va être en direct de la Californie. On spécule là-dessus sans cesse et je te tiens au courant. On va en reparler à la chronique de demain, c'est évident. Voilà pour la chronique CNX, pas de chiptune aujourd'hui. On va terminer l'émission là-dessus. On dépasse à peine l'émission, on est quand même pas si pire. Quand même, beaucoup de stock aujourd'hui, encore une fois. Oh, ouais. Ça se peut plus du stock de même. Et demain, grosse émission aussi, on reçoit Yann Martel qui nous parle de d'aide financière. Ça, c'est à 8h30. Oui, exact. Juste avant, à 8h, on va recevoir Myriam Fugère avec sa chronique culturelle aléatoire. En fait, c'est pas mal plus aléatoire que culturelle. On a parlé de Nutella, ce passé. Ouais. J'espère qu'elle va avoir une autre tranche. Tranche de vie, tranche Nutella du pain. Tranche. Oh, tu m'as encore blanchi. Oui, ben 16-0. 16-0. 16-0. Reste à l'écoute pour la sécheuse dans quelques minutes. Ensuite, à 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. Et puis, en après-midi, restez là pour le voyage insolite et album classique. Puis, plus tard, une dose d'estrogène à 16h avec les trois filles qui nous parlent de culturel. Ça va être très, très bon. Et en soirée, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. On se retrouve demain matin, 7h. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et pour les balado-diffusion. Puis, bonne journée. Bye-bye. Bye-bye, Mathieu. Bye-bye, bye-bye François. À demain. À demain. À demain matin. À demain matin. À 7h. À 7h. Avec Mathieu Plante. Avec Mathieu Plante. Et François Lépensé. Je pensais aller me faire dire des conneries en me faisant répéter. Non, mais non, non. C'est pas de même. Hein. Non. C'est pas le genre à me tendre la main puis faire « chouing » sur tes cheveux, ça. Non. « Chouing » comme... Ça, c'est poche. Ben, c'est vraiment poche. Fuck, comme les 100 watts. Oups. Ton sport préféré. Ça? Ah oui, c'était quoi l'adresse, le Fulham? Le... Sans rue Fulham. Sans rue Fulham? Ouais. Ah ben, je l'ai pas retenu pendant tout, tu vois. Moi, j'étais comme non. Bye. Bye-bye.